dit quel phénomène naturel survenu à Bâle en 1356 a favorisé le développement des maisons en colombage dans la région, car elles sont les seules à avoir résisté à cet événement. Waouh, dur. Tornade ? Non, c'est ici. Ah, attends, mais j'étais sur astéroïde. Charlie ! J'étais sur les soviets, non, t'es sérieux ?